Vous suivez la radio Isanganiro. Bienvenue chez les auditeurs auditrices dans ce journal dont voici les titres. Les structures de prise en charge des personnes vivantes avec le VIH-Sida s'élevant à plus de 800 ne sont pas en mesure de faire des examens et le traitement de maladies qui greffent sur le VIH-Sida. Et la population burundaise est appelée à avoir à l'esprit d'assurer leurs biens dans les sociétés d'assurance. Appel lancé par le secrétaire général de l'ARCA, Joseph Butore. Et actualité sportive, le Burundi vient de remporter la coupe de la compétition internationale de la zone 5 en volée à table. Voilà pour les titres. Inosa Bibonimana sur la mise en onde, Jean-Marie Mayonga à la présentation. Bienvenue et au bonjour. Comme je viens de vous le dire en titre, les Burundais, plusieurs Burundais n'ont pas l'habitude d'assurer leurs biens dans les sociétés d'assurance. Et cela a été dit ce vendredi par le secrétaire général d'ARCA, agence de régulation et de contrôle des assurances, lors de la présentation des réalisations de l'année 2021. Joseph Butore a indiqué que cela est dû à la méconnaissance et appelle la population burundaise d'avoir l'esprit d'assurer leurs biens dans les sociétés d'assurance. Suivez-le. La densité d'assurance calculée par le rapport entre le chiffre d'affaires global sur la population burundaise, alors si vous prenez les 75 milliards et quelques comme chiffre d'affaires pour 2021, et divisé par les 12,6 millions de Burundais, vous obtenez 6 000 et quelques. Et c'est ça le montant qu'a dépensé en moyenne un citoyen vivant sur tout le Burundi en 2021. Les chiffres sont là, mais si on fait une sorte de comparaison et par rapport à 2020, on était à 5 000 à peu près. 2021, 6 000. Et en 2017, c'était 3 500. En espoir de 5 ans, de 3 500 à 6 000 francs. Les calculs de pourcentage, vous verrez que l'amélioration, elle est lente, certes, mais elle est sûre. Et si on se compare au résultat d'ailleurs, c'est vrai, beaucoup sont devant nous, mais si on continue avec le même rythme, avec le même engouement, je pense qu'il y a lieu d'atteindre les performances déjà atteintes par les autres et pourquoi pas les dépasser. Alors, le nombre d'assurés au Burundi, on n'est pas dans une logique d'impôt par tête, comme dans le temps dans notre pays. Il y a 8 produits d'assurance qui sont consignés comme assurance obligatoire dans le code d'assurance. Tous les autres produits d'assurance sont des produits qui sont vendus de façon volontaire, donc facultative. Tu prends quand tu es convaincu que tu veux, que tu peux, mais sinon rien ne t'y oblige. Sinon, on aimerait bien que toutes les maisons, ne fût-ce que dans les villes, donc aujourd'hui, l'habitude d'ailleurs, soit automatiquement assurée contre l'incendie au minimum. Mais on n'est pas encore là, c'est notre issue en tout cas. On n'est pas encore là parce que la loi ne l'a pas encore prévu. Mais on espère que d'ici quelques années, on pourra y arriver. Page santé à présent, la majorité des structures de prise en charge et de personnes vivant avec le VIH-Sida s'élevant à plus de 800 ne sont pas en mesure de faire des examens et traitements des maladies qui se greffent sur le VIH-Sida comme les hépatites et les cancers. Malgré la disponibilité des ARV, ces difficultés d'accès à ces autres infections compliquent le traitement efficace du VIH selon Deogracia Sendaitoyeko, chargé des programmes à la NSS. Il demande une attention particulière de la part du pays et des partenaires du Burundi à ces maladies. Suivez de Gracias d'Aitoyeko. Mais aujourd'hui, nous sommes devant une réalité d'autres maladies qui se greffent sur le VIH-Sida, notamment les hépatites virales, l'hépatite B, l'hépatite C, le cancer du col de l'utérus chez les femmes, mais également à certaines infections sexuellement transmissibles, qui ne sont pas couverts par le traitement disponible, qui ne sont pas couverts par les subventions permettant le diagnostic de ces traitements. Dans la majorité des structures de prise en charge qui s'élèvent à plus de 800 structures, ces examens ne sont pas systématiquement faits. Alors que nous supposons d'ailleurs que la plupart des décès pourraient provenir de ces infections qui se greffent ou qui sont de nature aussi à aggraver, précipiter la mort des gens qui étaient supposés vraiment être en bonne santé. Parce que vous avez vu, la charge virale pour ces personnes est supprimée. Ces personnes ont les hépatites B, les hépatites C, les infections sexuellement transmissibles, le cancer du col de l'utérus. Alors nous demandons vraiment qu'un effort aujourd'hui et une attention particulière soit portée à ces maladies. Que le diagnostic soit fait, pas seulement à l'ANSS, mais dans tous les sites de prise en charge, que le traitement soit disponible. Parce que même si le diagnostic est fait, le traitement n'est pas disponible. Nous faisons un plaidoyer pour qu'effectivement une attention particulière soit portée par le pays, par les partenaires du Burundi, par les acteurs de la lutte contre le sida à ces maladies, pour que les personnes vivant avec le VIH-Sida aient une santé meilleure et vivent aussi longtemps que possible, parce que ces maladies réduisent l'espérance de vie des personnes vivant avec le VIH-Sida. Restons toujours dans le domaine de la santé, approcher les services qui peuvent donner des informations sur la prévention du VIH et d'autres maladies sexuellement transmissibles permettra de diminuer la propagation aux gens qui exercent les activités dans les lieux où se rencontrent plusieurs personnes, comme dans les marchés. Propos de Valentin Avialimana de l'association ABMPD ce vendredi lors du lancement au marché de Kamenge de ses services. Il explique qu'après leurs activités, ces gens n'examinent pas leur état sérologique, ce qui augmente la propagation. Suivez. Cette activité que nous venons de réaliser au marché de Kamenge, c'était une activité qui était liée donc à l'accès aux services, c'est-à-dire la prévention et aussi la prévention et la santé de la reproduction. Vous voyez qu'il y a des gens qui restent au marché et qui rentrent le soir sans toutefois penser d'aller chercher différents services à l'hôpital. Mais nous avons jugé bon d'amener différents services auprès de la population et à milieu de business. Il y a les services de prévention du VIH et aussi les IST et aussi la santé de la reproduction. Nous avons remarqué que c'est au marché qui ont beaucoup de la population, donc qui sont en activité, donc à milieu de business. On a voulu que ces gens qui sont au marché, c'est eux-mêmes qui trouvent de l'argent. Quand ils quittent le travail, il y a ceux qui vont dans les cabarets, dans les boîtes de nuit, mais il faut qu'ils sachent que même le VIH est à la porte pour dire qu'il faut chaque fois se protéger contre le VIH et aussi d'autres maladies qui sont liées au VIH, les IST et aussi les grossesses non désirées aussi. Nous le faisons souvent, on fait la sensibilisation au sein de la communauté, mais on a vu qu'il y a aussi une carence au niveau des marchés. Il y a une grande population qui reste toujours ensemble. Un effectif de 216 personnes ont été testées positives au VIH-Sida, c'est un total qui dépasse légèrement 40 000 personnes dépisté au cours de cette année 2022 dans la province de Ruyigi. Le conseiller chargé des affaires juridiques au cabinet du gouverneur a dit que l'effectif de ceux qui font le dépistage reste encore bas. Il interpelle la population, surtout les hommes, à se faire dépister. Et si quelqu'un serait testé positif, prendra des antirétroviraux. Il a dit ce vendredi au chef-lieu de la province de Ruyigi lors de la célébration au niveau provincial de la journée internationale dédiée à la lutte contre le sida. Nous devons cette information à notre correspondant Jean-Claude Nshimirimana depuis Ruyigi. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. Le journal continue, page commerce, et l'écoulement des marchandises du marché central de Rumonge est actuellement à un niveau bas par rapport aux années précédentes à la veille de la célébration des fêtes de la fin d'année. Les consommateurs rencontrés sur place évoquent la flambée des prix alors que les sources de revenus sont restées les mêmes ou ont même regressé. Tous ceux qui se sont exprimés demandent que tout soit mis en place pour stopper cette flambée des prix. Le point avec Jean-Pierre Missa. Même si le marché central de Rumonge est trop fréquenté ces derniers temps, les commerçants disent de ne pas vendre en quantité et en valeur par rapport aux années écoulées, que ce soit du côté des habits, que ce soit du côté des denrées alimentaires. Les prix ont grimpé alors que les sources de revenus n'ont pas suivi le mouvement, expliquent certains acheteurs rencontrés sur place. Tout en reconnaissant la hausse des prix sur tous les produits, ce consommateur rencontré au stand vendant les poissons dit tout faire pour avoir à offrir à ses enfants, se servant des maigres moyens financiers à sa disposition. Que ce soit les commerçants que ce soit les consommateurs qui se sont exprimés, tous demandent au gouvernement burundais de tout faire afin que les prix cessent de grimper. La situation se présente ainsi à la veille de la célébration des fêtes de Noël et de Nouvel An. Jean-Pierre Misago, depuis Rumonge, Radio Isanganiro. Merci à Jean-Pierre Misago, quittant Rumonge pour nous rendre dans la province de Bururi, où une aide composée d'une tonne de vivres et de couvertures a été octroyée ce vendredi aux détenus de la prison de Bururi par l'évêque du diocèse catholique de Bururi pour célébrer ensemble les fêtes de fin d'année. Monseigneur Salvatore Nititeretse a invité les prisonniers à respecter les commandements de Dieu et à ne pas être désespérés. Zeno Nzambimana. Cette aide octroyée ce vendredi par son excellence évêque du diocèse catholique de Bururi était composée de 300 kg de riz, 300 kg de farine de manioc, 300 kg de haricots, 100 kg de grains de maïs et 35 couvertures octroyées aux plus démunis identifiées dans cette maison de détention. C'était au cours de sa visite pastorale qu'il a effectuée dans cette prison. Monseigneur Salvatore Nicitelese a indiqué qu'il a voulu célébrer anticipativement la fête de Noël de fin d'année avec les détenus de la prison de Bururi. Dans son homélie, Monseigneur Salvatore a invité les prisonniers à se préparer pour la première venue du Christ qui est sa naissance en respectant les commandements de Dieu, sans oublier la deuxième venue quand il sera de retour. Au cours de cette messe, 9 détenus ont reçu les sacrements de baptême et de confirmation. Jean-Claude Tuise, directeur de cette prison de Bururi, de même que les détenus de cette prison, ont vivement salué cette visite pastorale et l'aide octroyée par l'évêque du diocèse catholique de Bururi. Vous saurez que cette maison de détention comptait ce vendredi 360 de personnes, dont 239 prévenus, 121 condamnés et 2 nourrissons, alors que sa capacité d'accueil ne devrait pas dépasser 250 personnes. Depuis Bururi, Zeno Nzambimana pour la radio, Isanganiro. Merci à Zeno Nzambimana. Actualité sportive, et le Burundi vient de remporter ce samedi la Coupe de la compétition internationale de la zone 5 en volley d'eau stable. C'est après avoir éliminé en finale l'équipe nationale d'Égypte en volleyball sur le score de 2-7-0. Serge Nakavura, président de la Fédération burundaise de volleyball, fait savoir que cette compétition s'est bien déroulée, même si les amateurs ne sont pas venus massivement assister à ce match. Suivez de Serge Nakavura. Comme vous l'avez vu, on avait prévu d'accueillir tous les pays de la zone 5 de volleyball, mais tous les pays ne sont pas venus. Mais la grande partie est venue, les pays qui ne sont pas venus, ce sont les pays comme la Somalie et les autres qui ne disposent pas peut-être des moyens logistiques suffisants. Mais franchement, par là, si on essaie d'évaluer ce qui s'est passé ici, c'était vraiment des spectacles. Nous avons observé des matchs de haut niveau, comme les matchs qu'on observe lorsqu'on joue en Tunisie, en Égypte et tout qu'on sort. Au niveau de la fédération, on s'était bien organisé parce qu'on avait tous les moyens, en fait, parce que le ministère ERAC, le sport dans ses attributions, nous avait donné un coup de main, ce qui nous a permis, en fait, de s'épanouir dans l'organisation. Maintenant, nous venons de clôturer en fait, le tournoi avec la victoire du Burundi chez les hommes et la deuxième victoire chez les hommes et la victoire chez les femmes, ce sont les Égyptiens qui viennent de gagner en fait, le tournoi de la première et deuxième place, tandis que le Kenya a gagné la troisième place. Franchement, par là, je peux dire qu'on a bien organisé ce tournoi, donc au niveau, au standard international. Et bien voilà, c'est par ici que nous mettons un point final à ce journal. Et merci de l'avoir suivi. Merci à Innocent Bibonimana pour la collaboration technique. Jean-Marie Mayonga était avec vous à la présentation juste après ce journal. Et c'est la revue de presse. De la presse. Bonjour ou bonsoir, en fonction de votre zone d'écoute. Fête de Noël et du Nouvel An, une célébration en mode inflation, titre le journal Burundi Echo. En effet, explique son confrère, l'envolée des prix des denrées alimentaires se poursuit sur le marché local. Au cours de cette année qui prend fin, les cours des céréales les plus consommées affichent une courbe ascendante. Paradoxalement, constate-t-il, les prix augmentent alors que l'année 2022 a été consacrée à l'agriculture. D'après les données de la Banque centrale, documentées par cet hebdomadaire socio-économique, l'inflation actuelle se rapproche à celle des années 1997, où le pays a frôlé les 40% entre avril et mai de la même année, sur une moyenne annuelle de 30%. À cette époque, le pays était visiblement sous embargo. Les pays de la sous-région avaient bloqué les marchandises à destination du Burundi ou les exportations depuis le pays. Les pénuries intempestives du carburant paralysent aussi l'activité économique. Et malgré la hausse du prix du carburant à la pompe à deux reprises cette année, la situation ne fait que s'empirer. L'éditorialiste de cet hebdomadaire n'hésite pas à parler de choc inflationniste. Entre-temps, le gouvernement continue à rassurer, fait remarquer Net Press, évoquant ce que le ministre en charge de l'énergie a fait savoir ce 20 décembre via son compte Twitter, que ce problème sera bientôt résolu et que l'essence sera disponible comme le mazout. « Ce n'est pas la première fois que ce discours nous soit rabâché », ont indiqué, fâchés, les chauffeurs de véhicules qui passent des journées et des nuits devant des stations pour finalement ne pas être servis, rapporte son confrère. Ils font savoir, dans les colonnes de son quotidien à ligne, qu'il y a des chauffeurs de taxi et de bus qui s'approvisionnent en carburant et qui vident leurs réservoirs après pour vendre de l'or noir au marché noir. De cette manière, ils obtiennent facilement le versement de leur patron et ne se fatiguent plus comme ils le faisaient avant la pénurie du carburant. Revue de la presse. Un jeune entrepreneur fabrique des insecticides et des fertilisants à base du Titonia diversifolia, rapporte l'agence burundaise de presse. Il s'agit d'Alexis Nibama, originaire de Rutana, jeune bachelier de la faculté d'agronomie et de bio-ingénierie à l'université du Burundi, précise ce journal. Après avoir terminé ses études, il est sorti de l'université avec une idée d'aider les cultivateurs burundais à améliorer le rendement agricole suite au constat que la récolte agricole reste insuffisante malgré les efforts fournis par ces derniers dans leurs travaux champêtres, ajoute son confrère. Dans cette optique, poursuit l'ABP, depuis un an, il fabrique des fertilisants liquides pouvant être utilisés pour différentes sortes de plantes, ainsi que des insecticides qui peuvent servir pour chasser des ravageurs des plantes, tous à partir d'une plante appelée Titonia diversifolia. La particularité de ces produits, a-t-il déclaré à son quotidien, c'est qu'ils sont naturels, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas mélangés à d'autres produits chimiques, ce qui fait qu'ils n'ont aucune conséquence nocive sur la vie des consommateurs des aliments produits. Selon toujours l'agence burundaise de presse, Alexis Nibama est fier que ses fertilisants et insecticides sont bien accueillis sur le marché. Coup dur pour maître Tony Germain Hina, estime le journal Iwachu. Puisque malgré son acquittement par la cour d'appel de Ngozi au 20 décembre 2022, maître Tony Germain Hina est toujours en prison. Le ministère public ayant refusé de lui délivrer le billet d'élargissement. Selon sa défense, tout comme pour Karina Tertsankian, chercheur au sein de l'initiative pour les droits humains au Burundi, cité par son confrère, le refus des autorités de le libérer est illégal, même si le procureur a l'intention de soumettre un pourvoi en cassation auprès de la Cour suprême. Le code de procédure pénale exige la libération immédiate de toute personne qui a été acquittée, même en cas d'appel. On termine par Burundi Echo encore, qui nous rapporte que le journaliste et chroniqueur sportif burundais Alain Majesté Barenga a été désigné par la Ligue espagnole de football, la Liga, parmi les chroniqueurs du football africain qui vont faire partie du jury qui va choisir le meilleur joueur africain évoluant dans la première division du championnat espagnol. Et c'est la fin de cette revue de presse préparée et présentée par Jean Bosco Ndouimana. À la prochaine. Revue de la presse.